Jacques, Jean, venez nous aider. Oh, ici. Les quatre hommes tirent de toute leur force. Ils remontent tant de poissons que les deux barques menacent de prendre l'eau. Ils n'ont jamais vu une pêche pareille. Alors, Simon tombe à genoux, aux pieds de Jésus, et s'écrie « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » « Ne crains rien, Simon, lui répond Jésus. Ce ne sont plus des poissons que tu prendras maintenant, mais des hommes. » De retour sur la plage, Jacques, Jean, Simon et André laissent tout et partent avec Jésus. Ils ont trouvé le Seigneur. Maintenant, ils ne veulent plus le quitter. Jésus choisit 12 hommes pour l'aider à annoncer le royaume de Dieu. Après Simon, à qui Jésus donne le nom de Pierre, André, Jacques et Jean, Jésus appelle aussi Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, un autre Jacques, Simon le Zélote, Thaddée et Judas Iscariote, celui qui le trahira. On les appelle les apôtres. Toujours sur les routes avec Jésus, ils voient de leurs yeux les merveilles qu'il accomplit. Envoyés dans le monde entier, ils iront proclamer la bonne nouvelle de Jésus. Dieu aime tous les hommes et vient les sauver. Un incroyable miracle. Venez tous, Jésus est arrivé. La nouvelle se répand de rue en ruelle dans la ville de Capharnaüm. De tous côtés, les gens accourent. La pièce où se tient Jésus est déjà pleine à craquer. Il y fait chaud comme dans un four. Devant la porte, la foule se presse. Chacun tend l'oreille. Chut! Écoutez! Il va parler! Mais aux abords de la maison, il règne un drôle de remue-ménage. Quatre hommes apportent un brancard sur lequel un homme est couché. Nous voulons voir Jésus! S'il vous plaît, laissez-nous passer! Mais pas moyen d'atteindre l'entrée. Les gens sont si serrés. Même un petit chat ne pourrait s'y glisser. Tant pis, se disent les quatre porteurs. Trouvons un autre moyen. Les voilà qui grimpent alors par un petit escalier sur le toit de la maison. Ils y ouvrent une brèche pour laisser passer le brancard et le font ensuite descendre avec des cordes. L'homme paralysé atterrit juste devant Jésus. Un grand silence se fait soudain. Jésus lui sourit. Puis il lève les yeux vers le toit et aperçoit les quatre porteurs, ravis de leur exploit. « Ça alors !» se dit Jésus avec admiration. « Quelle foi !» Il se tourne vers le paralysé et s'exclame « Mon ami, tous tes péchés sont pardonnés. » Pour qui se prend-il ? S'écrient les savants et les docteurs de la loi indignés. Dieu seul peut pardonner les péchés. Pour leur faire comprendre qu'il a le pouvoir de pardonner tous les péchés, Jésus leur propose une devinette. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus facile ? Pardonner à cet homme ses péchés ? Ou lui dire « Lève-toi, prends ton brancard et marche !» Les savants ne savent plus quoi répondre. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, dit Jésus en se tournant vers le paralysé, je te l'ordonne. Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Le pauvre homme, prudemment,

Pierre, Thomas, Jean et les autres sortent dans la rue et, sous les yeux stupéfaits des passants, se mettent à parler en toutes sortes de langues. Incroyable ! Arabes, égyptiens, juifs, grecs et romains, tous comprennent dans leur langue ce que disent les apôtres. Certains se moquent. « Ils sont ivres ! Ils ont trop bu !» Mais Pierre répond d'une voix puissante. « Non ! Nous n'avons pas bu de vin ! Dieu a répandu sur nous son Esprit Saint !» Et debout, il parle à la foule qui s'amasse de plus en plus nombreuse pour l'écouter. Voici qu'aujourd'hui s'accomplit tout ce qu'avaient dit les prophètes. Jésus de Nazareth, qui a fait de grands miracles et que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. C'est lui le Seigneur. Il nous envoie son esprit. Ceux qui croiront en lui seront sauvés. Les paroles de Pierre touchent les cœurs. Beaucoup accueillent le message de Jésus et croient en lui. Ce jour-là, 3000 personnes sont baptisées. La mission des apôtres ne fait que commencer. Bientôt, ils s'en vont aux quatre coins de la terre porter cette bonne nouvelle.